véhicules blindés et taxis, des camions logistiques, des citernes à eau, à carburant, des camions d'allègement, d'ambulances médicalisées, entre autres. Voilà donc les équipements qui ont été reçus par Bamako, venant bien sûr de Pékin. C'était au camp de Kati. Alors, on rappelle que déjà en mars dernier et en août 2022, des livraisons militaires avaient été faites par la Russie. Et puis en mars, la même alienne a reçu plusieurs avions de Russie et des drones de Turquie. Les livraisons d'armes en provenance de Chine sont de plus en plus rares. Mais le 27 avril dernier, Taifour Smaïn, Bamako a reçu un important don d'équipement militaire venant de la Chine. Est-ce que cela ne témoigne pas la bonne santé du Mali avec ses relations internationales? Il y a eu la Russie, il y a eu la Turquie et maintenant voilà la Chine qui offre un important kit matériel au Mali pour lutter contre le terrorisme. L'équipe au pouvoir au Mali est très consciente des enjeux géopolitiques, donc et a priori en prenant les armes, que ce soit des Chinois, du côté chinois ou plutôt russe ou turc, on voit bien que les autorités maliennes sont conscientes justement du fait qu'il faut diversifier toujours ce partenariat donc militaire avec les forces, encore une fois, qui sont beaucoup plus on va dire impliqués dans la lutte antiterroriste, pas essentiellement les Turcs, car les Turcs c'est une autre chose, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle le jeu d'influence, hein, qui essaye, enfin les Turcs essayent d'un côté d'être présents un peu partout dans le monde musulman, donc c'est pas du tout la même perspective, ou plutôt les mêmes objectifs que les Russes ou les Chinois. Les Chinois, au risque de me répéter, c'est par rapport à des considérations économiques qu'ils investissent au Mali, un peu partout en Afrique. Il est vrai que les Russes, d'un côté aussi, sont un peu dans cette dynamique-là, mais beaucoup plus impliqués de ce qu'on appelle le bras de fer qui les oppose d'une manière générale aux Occidentaux, et notamment dans le cas du Mali à la France. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce pari est gagné. Donc les Maliens ont quasiment donc compris qu'il faut justement diversifier son partenariat avec ces nouvelles puissances émergentes, et qu'il faudrait donc tirer avantage et surtout savoir tirer son épingle du jeu pour s'imposer sur l'échiquier politique, militaire et sécuritaire dans la région. À savoir que le Mali, il a été pendant très très longtemps donc livré quasiment à la sauvagerie des groupes djihadistes, et que, ma foi, les équipes précédentes n'ont pas réussi ce pari en s'adonnant carrément, donc plutôt se livrant carrément à la France, et que la France a échoué en la matière. On voit bien que l'équipe actuelle a très bien compris donc les enjeux, qu'il fallait choisir entre autres la Chine, la Russie, et à moindre mesure, on va dire, les Turcs, mais enfin, toutes les armes sont les bienvenues dès lors que ça rentre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à savoir que tous les pays du Sahel sont confrontés à ce qu'on appelle donc le djihadisme, ou plutôt le terrorisme djihadiste, qui, ma foi, essaye d'établir sa zone d'influence, mais aussi pour asseoir, on va dire, un califat. Et on voit bien que les Maliens ont compris que, et même d'ailleurs tous les pays, le Burkina Faso ont compris, ils ont compris que ces groupes-là ne pouvaient donc offrir au peuple de la région que désolation. Et on le voit bien, on a vu comment ça se passe au Nigeria, des peuples entiers sont pris en otage, et surtout les villages lointains où on massacre femmes, vieux et vieillards, et enfants, on les sacrifie quasiment, et on les tue et on prend des femmes en otage. Les Maliens, comme le Burkina, comme tous les pays du Sahel, ont compris que justement cette guerre devait être menée avec lucidité et à beaucoup plus efficacité. Et on voit bien que les armes qui ont été livrées justement au Mali, c'est des armes qui donnent une certaine autonomie donc à la force militaire malienne et aux autres pays aussi du Sahel, Donc ça leur donne un certain point de vue pour mener leur propre guerre contre, avec efficacité bien sûr et détermination, contre les djihadistes. À savoir que la France, quand elle était là avec l'opération Barkhane, la France donc dominait tout, elle avait la main au-dessus de tout. Donc les Maliens, ils n'avaient pas vraiment droit au chapitre. Je parle, j'entends par là l'ancienne équipe qui n'avait pas du tout droit au chapitre, elle ne faisait que subir. Donc elle subissait quasiment la politique sécuritaire de la France, et ce qui a fait qu'il y a eu des défaillances, et ce qui a fait que, ma foi, ça n'a pas réussi, on le voit bien aujourd'hui. Maintenant, avec tous ces équipements et cette volonté, on va dire, affichée des uns et des autres, notamment du côté malien et dans une moindre mesure des autres pays, savoir la Russie et la Chine, on voit bien qu'il y a une détermination, que, ma foi, même si la lutte antiterroriste est une lutte de longue haleine, donc il faudrait beaucoup plus, donc on va dire, de patience pour pouvoir gagner ce pari. Ça a été le cas en Algérie, 10 ans quand même de violence en Algérie, et surtout qu'à l'époque, l'Algérie n'était pas aidée. L'URSS venait de tomber, et l'Algérie se retrouvait seule sur la scène donc sécuritaire. Ils avaient beaucoup de mal donc à convaincre leurs partenaires qu'il s'agissait donc d'un terrorisme plutôt que d'une opposition. Ce qu'on a déjà toujours essayé de faire passer ces djihadistes pour des rebelles, comme il vient de dire tout à l'heure Issa Diawara, il a tout à fait raison de souligner, c'est pas des rebelles, c'est des terroristes, on peut pas les qualifier autrement. Moi qui suis algérien, je peux vous assurer que nous avons goûté ça de plein fouet, et on sait très bien ce que ces groupes-là n'ont d'autre objectif que le cas où ils n'ont pas un objectif qui soit louable pour instaurer une démocratie ou une modernité dans un pays en dehors de ce qu'on appelle les interdits que ces groupes, justement, quand ils s'approprient un territoire donné, on l'a vu avec le Daesh, ce n'est que des interdits, que des tueries et que des sanctions, donc corporelles, et c'est ma foi, donc c'est le but justement de cette lutte, c'est d'en finir avec cette sauvagerie. Et ce qui est en train de se passer, encore une fois, que ce soit au Mali ou dans tous les autres pays d'Afrique, il faudrait donc résolument se battre et surtout savoir nouer les alliances qu'il faut. Afrique Média, le monde, c'est nous.